humilié, attristé et commencé à prier le Seigneur. Mais parfois nous sommes orgueilleux au lieu de nous affliger. Lorsque nous apprenons qu'un frère a péché, ça doit nous faire pitié. Nous devons être attristés. Nous devons nous humilier devant le Seigneur parce que ça jette le discrédit sur le corps du Christ. L'apôtre Paul dit au verset 2, « Vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. » Deuxième vérité, le péché scandaleux doit être traité durement. En d'autres termes, ceux qui commettent des péchés scandaleux doivent être mis sous discipline. La mise sous discipline est une pratique qui est biblique. En réalité, la mise sous discipline peut prendre plusieurs aspects. Le but, c'est de chercher à traiter, à ôter les péchés. Parce que le péché d'une seule personne peut contaminer toute la communauté. Vous voyez? C'est pourquoi l'apôtre Paul utilise un langage ici imagé. Il dit ceci au verset 3. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du jugement. Afin que l'esprit soit sauvé au jour de Jésus. Vous voyez, livrer quelqu'un à Satan peut signifier ici mettre quelqu'un sous discipline. Vous voyez, c'est biblique, surtout quand ce sont des péchés scandaleux, comme l'impudicité, l'adultère, des bagarres et d'autres choses dans ce sens-là qui scandalisent. Donc on doit apprendre à mettre les gens sous discipline. Normalement, la mise sous discipline devrait avoir pour objectif de châtier la personne, de l'interpeller pour que la personne se repente et d'avertir d'autres personnes pour dire « si vous faites la même chose, vous serez puni ». Vous voyez. Et ici, l'apôtre Paul, il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Parfois, la mise sous discipline, c'est Dieu lui-même qui parfois peut l'exercer, c'est-à-dire il faut savoir que le péché a des conséquences. La destruction de la chair ici peut être la maladie. La destruction de la chair ici peut être même parfois la mort physique. Mais l'apôtre Paul montre encore qu'une telle personne, si réellement elle a reçu Christ, oui, il peut être châtié. Mais comme la semence de Dieu est en elle, il sera sauvé. Elle sera sauvée au jour du Christ, vous voyez. Cela veut dire que nous devons faire attention. Il y a des gens qui disent, je suis sauvé, j'ai accepté Jésus dans ma vie, oui, je ne peux pas perdre mon salut, donc je peux vivre dans les péchés. Mon ami, il faut faire attention. D'ailleurs, si réellement tu es chrétien, né de nouveau, je me pose la question, comment tu peux te plaire dans le péché? Mais il faut savoir que le péché entraîne des conséquences. Dieu peut te châtier et tu peux être mis sous discipline. Donc, faisons attention et nous devons savoir traiter les péchés. Souvent, il y a des gens, lorsque c'est une personne qui est hautement placé ou bien il donne de grosses enveloppes, il commet des scandales. On connaît que ce monsieur-là, il est mystique, cette dame-là, elle a commis l'adultère, elle sort avec un mari d'autrui et nous lui donnons des responsabilités, ça scandalise. Faisons en sorte que réellement nous puissions appliquer la discipline dans le corps du Christ pour corriger ce qui doit être corrigé. Troisième vérité, évitons de fréquenter les gens qui se disent chrétiens et qui vivent consciemment et permanemment dans les péchés. C'est ça la pensée de Paul ici. Il dit, je vous ai écrit, verset 9, dans ma lettre, de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, mais au verset 11, il dit, maintenant ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomma frère et impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne pas manger même avec un tel homme. Vous voyez, la Bible est équilibrée. Je vais parler à quelqu'un. Lorsque tu fréquentes quelqu'un qui porte le nom de chrétien, homme de Dieu, servante de Dieu, mais tu vois que sa vie ne reflète pas la gloire de Dieu. Il vit d'une manière permanente. Je dis bien d'une manière permanente dans le péché. Ce n'est pas des gens où il a commis un péché juste une fois comme un accident. Mais il y a des gens, il se plaît dans le péché. Tu vois qu'il est immoral. Il est cupide. Quelqu'un qui vit dans des sciences mystiques. Tu as des preuves, tu vois qu'il est membre d'une loge. Tu vois qu'il est dans la sorcellerie, dans une confrérie. Donc, c'est-à-dire qu'il est un cupide. Il est ivrogne. Il est ravisseur. Ici, Paul dit, quelqu'un comme ça, il ne faut pas le fréquenter. Vous voyez, il y a des gens qui parlent de l'amour du prochain. Oui, ici, Paul dit que, attention, tu ne dois pas fréquenter. Et il va même plus loin en disant, ne les saluez même pas. Donc vous voyez, la Bible est équilibrée. Quand bien même la Bible nous dit de nous aimer, d'aimer nos frères et sœurs, mais la Bible montre aussi que quelqu'un qui se dit frère, sœur, mais qui vit de manière permanente dans le péché, il ne faut pas les fréquenter. Vous voyez, donc nous devons faire attention. Et l'apôtre Paul ici fait une différence. Il dit, je ne vous demande pas de ne pas fréquenter les impudiques de ce monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si quelqu'un c'est un païen, on peut encore comprendre que je puisse les fréquenter, mais c'est dans le but de les gagner, parce que je suis la lumière du monde. Mais il dit, je vous demande de ne pas avoir des relations, d'avoir comme amis des gens avec qui vous marchez. Ce sont des gens qui sont des impudiques, des gens qui trompent leurs femmes. Je vais parler à un frère, écoute-moi bien. Pourquoi tu choisis comme église là où on aime parler du péché et tu prends comme des amis des gens qui portent le nom d'homme de Dieu? Tu connais qu'un homme de Dieu est en train de tromper sa femme. Tu sais qu'il vit dans l'immoralité. Il va dans des boîtes de nuit. Mais qu'est-ce qu'il va encore t'enseigner? Et c'est celui-là que tu prends comme père spirituel. Mais il va te contaminer, mon ami. Donc, il faut savoir faire la différence et choisir des amis. Des bons amis, ce sont des gens qui peuvent vous aider à aller dans la profondeur avec Christ, à marcher dans la sanctification. Donc, faisons attention. Et l'apôtre Paul dit ici, un peu de levain fait lever toute la pâte. Ça veut dire, le péché d'une seule personne peut nous contaminer, peut contaminer même toute la communauté. Que Dieu nous en préserve. Nous allons le louer. Chantons ce cantique. Nous t'adorons et gloire à Dieu. Élève ta voix, bénis le nom du Seigneur qui nous donne ces avertissements. Amen. Notre passage du jour, c'est 1 Corinthiens chapitre 5, 1 à 13. Nous sommes à notre émission de prière OSB, opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur Dieudonné Ngoumbi. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez, vous qui recevez OSB en Côte d'Ivoire, en dehors de la Côte d'Ivoire, dans d'autres pays africains, en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Asie. Partagez OSB par WhatsApp. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour nous humilier d'abord, pour tous ces scandales des gens qui vivent de plus en plus dans l'immoralité, l'adultère, l'inceste, l'homosexualité. Si autour de vous, si dans votre église, il y a des chrétiens, des hommes de Dieu qui vivent dans tous ces péchés-là, humilions-nous pour dire Seigneur, pardonne-nous, oh Dieu, ça fait la honte. Et si tu connais quelqu'un qui vit dans ces péchés-là, prie le Seigneur pour dire Seigneur, aide-les à se relever, aide-les à se repentir. Oh, nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Nous bénissons ton nom, notre Dieu et notre Père. Ce matin, nous voulons nous humilier devant ta sainte face. Nous voulons nous approcher de toi avec un cœur repentant. Nous voulons, notre Dieu, oui, venir à toi avec un cœur des hommes et des femmes blessés. Car au milieu de nous, il y a des scandales. Il y a des scandales qu'on ne peut imaginer. Des frères, des sœurs, même nos enfants, même nos parents vivent dans l'adultère, dans l'inceste, dans l'homosexualité. Beaucoup vivent dans le péché et cachent ces péchés. Seigneur, nous prions que toutes ces formes de sexualité qui sont vécues autour de nous, dans nos maisons, dans nos sociétés, dans nos villages, dans nos villes et quartiers, parmi nos parents, Seigneur, aide-les à se relever et ensuite à se repentir sincèrement en confessant et en abandonnant le péché. Car il est écrit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ô Père, nous demandons ta grâce pour relever, pour que ta miséricorde soit accordée à tes enfants qui vivent encore dans le péché, qui sont très loin de toi, et même souvent qui font confession de te connaître, qui viennent dans nos églises. Touche-les! Touche-les par la puissance de ton esprit. Restaure-les, renouvelle-les. Si parmi ces personnes-là, certaines disent qu'elles ne peuvent pas venir à toi parce que ce péché est trop grand, notre Dieu t'est capable de pardonner. Merci pour l'esprit de pardon qui relâche sur les ondes. Ramène quelqu'un dans ta bergerie, ramène quelqu'un dans ta voie et bénis quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que les péchés scandaleux doivent être ôtés du milieu de nous par la mise sous discipline. Nous allons prier le Seigneur afin que Dieu nous aide, qu'il aide nos pasteurs, nos responsables, nos présidents d'église. Parfois, ce n'est pas facile de mettre sous discipline quelqu'un qui est influent, quelqu'un qui est hautement placé, quelqu'un qui donne beaucoup d'argent. Mais prions pour que Dieu donne ce courage-là à nos responsables de savoir mettre sous discipline des gens qui doivent être mis sous discipline, mais que cela se fasse selon les normes biblique dans le but de ne pas contaminer les restes de l'Église. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Père éternel, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, ô Papa, pour tout ce que tu fais pour nous. Tu es le Dieu qui opère des miracles. Tu es le Dieu qui nous console. Tu es le Dieu qui nous conduit dans le sentier de la justice. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Ce matin, nous prions pour nos communautés, ô Père éternel. Accorde la grâce, accorde la sagesse, accorde la hardiesse à tes leaders, les pasteurs, les responsables des communautés, afin qu'ils puissent contribuer à l'extirpation des péchés au sein de nos communautés, qu'ils puissent prendre des décisions rigoureuses pour sanctionner ceux qui commettent l'iniquité, que ce soit des leaders, que ce soit des grands contributeurs, ils méritent également la discipline. Nous prions au Père éternel et nous demandons que justice soit faite chaque fois qu'il y a du désordre au sein de nos communautés. Fais en sorte, ô Père éternel, que nos responsables ne soient pas influencés par la qualité des leaders s'ils ont commis une faute. Qu'ils soient influencés par la parole de Dieu. Qu'ils soient influencés par la justice que tu accordes à chacun de tes enfants. Père éternel, fortifie chacun d'entre nous. Fais en sorte que nous soyons des exemples, que nous soyons des modèles partout où nous nous rendons. Que dans ton église, il y ait la justice. Il n'y ait pas ce sentiment de deux poids, deux mesures. Merci Père pour cette force que tu nous donnes chaque jour. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Chacun va prier pour dire « Seigneur, aide-moi à avoir des bons amis ». Et si le Seigneur t'a montré que tu as de mauvaises fréquentations, même au sein de l'Église, des gens qui portent le nom des frères, sœurs en Christ, des hommes de Dieu, mais qui vivent de manière permanente dans le péché, tu vas demander pardon. Tu vas dire « Seigneur, aide-moi à m'éloigner de ces gens-là et donne-moi des bons amis. Donne-moi des hommes de Dieu, des pères spirituels, des gens qui peuvent m'aider réellement à t'aimer, à progresser dans ma marche chrétienne, à te servir dans la sanctification. » Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. Oh, espérons. Opération Père éternel, notre Dieu, tu es saint et tu veux que ceux qui t'adorent t'adorent en esprit et en vérité. Nous voulons encore ce matin te dire infiniment merci parce que nous sommes en vie, nous voici encore dans notre santé, dans toutes les grâces que tu nous as données. C'est un privilège pour nous. Alors, pour toutes ces choses, nous avons encore et encore la grâce, le droit de te bénir et de t'exalter. Mais ce matin, des sujets viennent dans nos cœurs. Et l'un des sujets, c'est que nous prions que tu nous aides à avoir de bons amis, à nous éloigner des gens qui vivent dans le péché et qui veulent nous entraîner dans le péché. Ô Dieu, accorde-nous d'avoir des pères spirituels, des guides spirituels, des hommes et des femmes qui ont de très bons témoignages. Ô Père, aide quelqu'un à avoir un ami, à renoncer à cet ami qui l'amène, qui l'entraîne dans le péché. Merci Seigneur notre Dieu pour la sanctification, la sainteté et la consécration. Et que Seigneur notre Dieu, étant ainsi, nous puissions te servir comme des véritables enfants de Dieu, afin que ton nom puisse être glorifié. Merci Seigneur pour ta parole qui dit dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Au verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Au verset 19 enfin. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. Seigneur, merci pour cette parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Aide-nous à avancer encore dans cette journée avec grâce, avec protection, avec tes anges et avec des bons amis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.